famille de vainqueurs. Le pauvre petit n'avait pas le droit à l'erreur. Le père bossait dans une entreprise dont il était directeur. Et son frère, sans grande surprise, était ingénieur. Autant dire que pour notre ami, il restait du boulot pour un jour parvenir à la cheville du père et du frérot. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait une ombre au tableau. Le petit ne le savait pas, mais il était idiot. À l'école, il était bien loin de cette note qu'on appelle 20 sur 20. Autant dire que pour le gamin, il restait du chemin. Pas franchement un as, tout le temps la tête dans les nuages. Lorsqu'il était en classe, il se sentait plutôt en... Elle se ressemblait toutes ces années qui passaient. Inexorablement, c'est bien ça le problème du temps. Un beau jour, c'est marrant, on baissait les bras, mettant ça sur le dos, du destin qu'on ne changera pas. Papa rejoignait mon taxi, au de vos 500 énormes, il est dément, rappé sur vos chemins. En tunnel, mon bonheur cinglé, sans me le barre au reskini, et sa pique n'a cessé tous ses mains se ressouvient. Échapper à toute cette triste réalité, l'enfant s'était installé dans cette bâtisse abandonnée. Ainsi, caché à l'abri des regards indiscrets, il se laissait aller, se prenant parfois à rêver. C'est dans cette petite maison, il n'y a pas si longtemps, qu'avait eu lieu la rencontre entre l'enfant et l'instrument. Qui aurait cru que ce petit violon changerait la vie du garçon. À présent, le petit savait ce qu'il voulait comme quoi c'est pas bien compliqué, suffisait juste d'y penser.